Lâche ton revolver, Clola. Il ne fallait pas qu'il sache mon nom. Ouais, mon nom. Ouais. Dans ma banlieue, je suis dans les rangs des dénerves. 9, 2, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, y'a pas de non-lieu, on fait des notes. On veut des sous sans faire des trucs de fou, mon vieux. Alors on fait du sous sans baisser notre cacasson. Écoute, garçon, des coupe le gaga garci. Et pas quoi, tout peu peu bon. Si elle est caca canon, caca caca caca coulé dans le caca camion. Caca caca caca la dans la région. Caca dans le caca, je suis assis. Y'a plus pilon, pas d'être efficace. Parlez des cons, division, j'ai pas les raisons. Mais dis-moi, qui va ramener pour ramener la caillasse à la maison. Je pas que t'es éternel de la classe. Sans mon cul, fiston, je qui réussis sans plus piston. Sans mimimiston, sans chichichichon. Sans nininichon, sans être biche. Dans toutes les têtes, y'a ASS, t'es là. ASS, on baisse si tu donnes tes fesses. Dans le business, tout le monde te délaisse. Te déteste, repasse te teste. Dis au but que je laisse le peu peu peu peu baisse. Je retombe pas ma veste, je garde ma peur. Je peu peu peu baisse, ceux qui veulent me tester. Mais c'est blibli blizzard.